La poupée de faïence, lettre trouvée dans la rue, par Gaston-Charles Richard. Car il faut d'abord te dire, mon cher ami, qu'en ce temps-là j'étais à peine plus haut qu'une botte, et maigre comme un chat de gouttière. Badaud incorrigible, j'aimais déjà amuser sans but, pour la seule joie de poser mes pieds l'un devant l'autre au hasard de mes caprices. Mais ce bonheur-là m'était souvent refusé. Il n'aurait pas fallu que je traînasse dans les rues. Mon père, si bon et si doux, ne badinait point sur ce chapitre, et entendait que je me rendisse très régulièrement à l'école. Oh, tu sais, une toute petite école de rien du tout, où l'on ne faisait ni grec ni latin, et où on fréquentait seulement des marmots de mon espèce, fils d'ouvriers comme moi. On ne nous y cassait pas la tête, et cependant je m'y trouvais très malheureux. Que veux-tu? J'aime le grand air, le soleil, l'espace. J'ai toujours envié les cheminots, ces hirondelles du macadam, et c'était m'infliger un supplice sans nom que de m'obliger à marmonner toute une journée le nez dans un livre, surtout quand le soleil au dehors mettait un reflet d'or dans les vieilles vitres et qu'un coin de bleu souriait entre les cheminées. Je ne vivais vraiment qu'à la sortie de l'école. Ah, la rue, la vieille rue, la bonne rue, comme je l'aimais. Elle n'était pourtant pas belle, au dire des agents voyeurs. Elle sinuait comme une couleuvre, étroite ici, plus large là-bas, boyau un peu plus loin. Mais c'était la rue, tu m'entends bien. Et déjà, un peu peintre, j'ai barbouillé, à 9 ans, ma première aquarelle. Je ne pouvais m'empêcher de loucher sur la couleur. Ah, on se fichait un peu de la mode dans mon monde, et on aimait ce qui se voit. Si tu savais quel rouge merveilleux, quel bleu admirable dans les caracos de cotonnade et les pantalons en vieux velours à cottes. Ma parole, viens voir ça un jour avec moi, et mon vieux, je te promets une promenade dans du Teignier et du Franz Hals. Allons bon, je déraille. Encore la faute à la couleur. Donc, à la sortie de l'école, je me sentais revivre. Et les 10 minutes de chemin qu'il me fallait faire pour rentrer chez nous, je les allongeais à flânocher d'un bon quart d'heure. Car il y avait non loin de l'école une boutique de brocanteurs. Et là, à portée de la main, de vieilles cruches veuves de leurs anses, des pots égueulés, des ferrailles sans nom, des meubles boiteux, des plâtres, infâmes moulages barbouillés par un sauvage, un capharnaüm indescriptible dans lequel, au grand déplaisir du maître de l'endroit, j'aimais à fouillasser, sans savoir pourquoi, je dois humblement l'avouer. Or, par un admirable matin de juin, tiens, en fermant les yeux, je la vois encore, cette heure charmante de mon enfance pauvre. Je descendais vers l'école, ma gypsière aux reins, et balançant au bout du bras le petit panier où maman, prévoyante, enfermait mon goûter. Tout était joie et lumière et couleur, et je soupirais à la pensée d'aller m'enfermer à l'école. Il faisait si beau, tant de moineaux pépiaient à bord des toits, une brise si douce apportait d'un lointain inconnu tant de parfums et de songes. J'allais passer devant le bric-à-brac sans m'y arrêter, comme à l'ordinaire, tant mes pensées battaient les buissons. Mais l'habitude l'emporta, je tournais la tête et m'arrêtais net, cloué sur place. Je ne vous connaissais pas encore, ô Joconde, ô Primavera, ô Vénus immortelle, et je vous ignorais, vous, la plus chaste et la plus pure, ô femme inconnue de Donatello, et vous aussi, ô Madeleine et Madone, qu'aimèrent les vieux maîtres. Mais vous m'apparûtes tout alors, en votre immortelle beauté, de la minute divine et terrible qui décida de mon existence. Oui, je vous connus, je vous aimais, je pressentis que vous étiez, et mon âme, en tremblant, s'essora vers de la lumière. Et tout cela, parce qu'une poupée de faïence, une vraie poupée, tu sais, souriait dans la vitrine du bric-à-brac. Elle avait une robe blanche semée de fleurs. Ses pâles mains, pures comme des ailes, se croisaient sur sa poitrine. Elle souriait. Et ses cheveux flavescents, ses cheveux d'or et de cuivre, coulaient en nappes sur ses épaules. Ses yeux bleus étaient pleins de rêves et sur sa bouche, il y avait encore de l'innocence et de la bonté. Ah, mon ami, ce fut le coup de foudre. Je restais là, bouche bée, bras ballants. J'admirais, j'aimais. Une extase inconnue mettait dans mon cœur des allégresses inéprouvées. Je planais en plein rêve, et des musiques merveilleuses chantaient le hosanna. « Veux-tu fiche le camp ? S'écrie crapaud. T'entends donc pas la cloche ?» Et le brocanteur gesticulait, énorme, noir, brutal. Au loin, la cloche fêlée de l'école tintait. N'est-il pas symbolique, ce bonhomme ? Ressemble-t-il pas au destin ? Ah, la vie ! Dire qu'il est toujours un brocanteur pour venir vous arracher à la contemplation de la poupée. Je m'enfuis, plein d'angoisse. J'arrivais en retard et de ce fait, m'entendis infliger une punition sévère. Soit copier 10 fois le verbe à tous les modes et tous les temps, être toujours le dernier à l'école. Mais je m'en fichais un peu du pinsomme. Alors mon bon commença pour moi une existence absolument extraordinaire. Tous les jours, sans exception, j'allais contempler ma poupée. Qu'elle était donc belle, mon Dieu! Sous le soleil flamboyant, sous l'âpre pluie des orages, j'étais là, fidèle, silencieux, et je me repaissais. Roméo d'une Juliette de faïence, aveugle, sourde et muette, de sa beauté sans seconde. En vain la rue s'offrait-elle, tentatrice aux flâneries. En vain les chiens errants venaient-ils implorer un morceau de ma tartine. En vain le méchant brocanteur me raillait-il lourdement. Jamais, te dis-je. Et même, ô sainte et délicieuse illusion, quand, plein de regrets, et redescendant des hauteurs de mon rêve, je me décidai à partir, il me semblait que des yeux de ma poupée coulaient un lent regard tendre et grave, et que de ses lèvres rouges, où il y avait tant d'innocence et de bonté, elle murmurait un adieu, doucement. Parfois le méchant brocanteur, la pipe au bec, une sale pipe noire, en terre, odieuse, venait fumer sur le pas de sa porte, appuyé de l'épaule au chambranle et la casquette de travers. Il me regardait, amusé, pitoyable et railleur. « T'es encore là ?» me disait-il. « Sûr, tu finiras par prendre racine. » Je m'en allais alors, crâneur, les mains dans les poches. Mais tout de même, le cœur gros, et au fond de moi-même honteux, car je me sentais un peu ridicule. Mais un jour, je n'y tins plus. Je volais ma tirelire, je la cassais. Tout net, en petites pièces et en sous, j'étais riche de 15 francs. Une vraie fortune, 15 francs. Pour moi, toutes ces piécettes représentaient une somme inépuisable de volupté, bonbons, balins et dessous, images d'épinal, boîtes de couleurs à 5 sous, étuis de pastel, réglisse, petits pains au raisin, que sais-je encore. 15 francs. Ah, le roi n'était pas mon cousin. Tout d'une traite, je courus chez le marchand et franchis sans trembler le seuil de l'affreux taudis. « Tu veux quelque chose ? » fit le brocanteur. « Oui, monsieur, répondis-je, je veux la poupée. » Et je désignai avec un triomphant sourire mon idole, ma chérie, ma reine. « Quoi ? Quoi ? » fit l'homme ahuri. « Est-ce que t'as de l'argent d'abord ? » ?»« Si j'avais de l'argent, imbécile va, ça ne se voyait donc pas. » J'étalai d'un beau geste ma pécune. « Ah ! » fit le buteur, qui rit à pleine gorge en montrant ses dents noires. « Ah ! Ah ! Tu veux m'acheter une madeleine de Luca della Robbia pour 15 francs. »« T'as pas peur, mon petit bonhomme. Ça vaut 20 fois autant, tu m'entends ? » « Si tu as 300 francs à m'offrir, elle est à toi. T'as compris, mistigris ?»« Oui, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. » murmurai-je, déconcerté, et sachant bien que jamais, au grand jamais, je ne posséderai une si grosse somme. Et jetant à ma poupée un dernier, un suprême regard, je m'enfuis, sans tourner la tête, prêt à sangloter, désespéré. Mais je n'osais plus, le lendemain ni les autres jours, aller la contempler, ma poupée adorée. Même je ne flânais plus, et je n'étais jamais en retard à l'école. J'eus de bons points, j'appris mes leçons, on me donna même la croix de mérite, on me félicita. Ah, s'ils avaient su ceux qui me louangeaient, quelle âpre, quelle cuisante douleur rongeait mon cœur assombri. Ne ris pas, mon ami, je souffrais vraiment, en silence, et j'étais stoïque. Je passais de l'autre côté de la rue. Parfois mes résolutions défaillaient. La poupée m'attirait. Elle resplendissait toujours, pure et lumineuse parmi les horreurs du Capharnaüm. Mais l'affreux bonhomme qui la gardait prisonnière, le geôlier sans pitié, avec sa pipe et ses grosses mains sales, était là aussi. Je le haïssais. Souvent, j'avais envie de pleurer. Mais soudain, redressé sous le coup de fouet d'un regard railleur, je filais, vite, et rentrai à la maison, silencieux, la lèvre baissée par une moue triste. Puis, mes devoirs achevés, je restai accoudé à ma table, un livre devant moi. Rêveur. Une douce figure d'émail souriait dans ma mémoire. Je n'entendais rien. Je ne savais plus. « Qu'a donc le petit ? » disait mon père, inquiet. « Ne t'impatiente pas, mon ami. L'histoire tira sa fin. » Un jour, c'était à la rentrée des classes, comme je descendais, pardonne l'expression, mon quotidien calvaire, je reçus au cœur la secousse qui... que... enfin, tu sais... le coup de poing roide et brutal de l'émotion physique. Ma poupée n'était plus là. Je traversai la rue, et fouillait d'un regard ardent l'ombre empoussiérée du taudis. Hélas, non. Elle n'était plus là, la reine radieuse de ce lieu d'ombre et d'horreur. Un autre l'avait prise. La nuit se fit en moi, opaque et funèbre. Ah, si j'avais à l'époque connu les beaux vers d'Hernani! Je me fus écrié avec Don Ruy Gomez. Ah, malédiction! Mes vassaux, à cheval, poursuivons le ravisseur! Mais d'abord, je n'avais pas de vassaux, et puis, à cette époque de ma vie, je me moquais d'Hernani comme un singe d'une noix vide. Soudain, surgit de l'ombre, apparut le brocanteur, plus satanique, plus noir, plus lourd, plus énorme que d'habitude. Il vint à moi. Hé, hey, gosse! Fit-il. Chose étrange. La grosse voix me sembla moins rude. J'osais. Oui, mon ami, j'eus cette audace. J'osais m'approcher. Vous m'appelez, monsieur? Dis-je d'un air assez assuré. C'est pas aux poules de la ferme à Coco que je parle. Bien sûr, fit l'homme avec son grand rire. Tu sais ta poupée? Oui, monsieur. Eh bien, ta poupée, j'aurais bien dû te la donner l'autre jour. Et devant mon air étonné, il ajouta d'une voix pleine de regrets. Sûrement, parce qu'un pochard me l'a flanqué par terre et qu'elle est en miettes, alors qu'il est. En miettes, ma poupée? Les grandes douleurs sont muettes. Je n'eus pas un soupir. Il n'y a même pas eu mèche de la recoller, poursuivit l'homme. Et à cette heure, les morceaux se baladent dans l'égout. Et le grand Iroquois rentra chez lui. J'étais foudroyé. Dans l'égout, ma poupée, ma tant jolie poupée. Ce jour-là, je cannai l'école et ne revins même pas déjeuner à la maison. Où allais-je promener ma sombre rêverie? Je n'en sais ma foi plus rien. Mais quand je rentrai le soir, vers 8 heures, vaguement inquiet des suites de mon équipée, je trouvai la maison sans dessus-dessous. Le directeur de l'école avait fait demander chez nous pourquoi je n'étais pas venu en classe. D'où grand émoi. Maman, désespérée, était en larmes, et la figure toute blanche de mon pauvre père en disait long. Pendant des heures, il avait battu le pavé, interrogeant, appelant, fou de chagrin. Aussi, quel accueil! D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi n'es-tu pas allé à l'école? Réponds! Il fut impossible de me tirer une réponse. Malgré mes pleurs, malgré les supplications de ma pauvre maman, qui implorait mon pardon à genoux, on me mit en pénitence dans ma chambre, sans lumière, au pain sec et à l'eau. Lorsqu'elle vint me mettre au lit, ce fut en vain que ma mère essaya de me confesser. « Te demande pardon, maman, » lui dis-je. « C'est pas. Je peux pas te le dire. » Vint le châtiment. Ce fut terrible. Mon père, le lendemain matin, me conduisit à l'école. Tous les élèves étaient rassemblés dans le préau. « Voulez-vous enfin nous dire pourquoi vous avez manqué l'école hier, monsieur ?» dit mon père d'une voix glaciale. Je secouai la tête. Il y eut un murmure indigné dans les rangs des auditeurs. Alors on m'abandonna à la justice scolaire. Lentement, avec des minuties d'Indien scalpant un prisonnier, le directeur m'enleva ma croix de mérite, à laquelle maman, le matin même, avait cousu un beau ruban rouge, tout neuf. Puis on prononça une sentence m'excluant de tous les concours, me condamnant à occuper la place de punition jusqu'à la fin de l'année. Enfin, au cours de la semonce qui suivit, flagellé par les reproches, véhémentement traité de menteur, de paresseux, de flâneur, de mauvais fils, menacé de vivre une affreuse existence, évoquant avec toute la force de mon imagination maladive, exaspérée et nerveuse, je ne sais quels effroyables supplices, je m'écroulai soudain, sans connaissance, entre les bras de mon père épouvanté. J'étais malade, oh bien malade. Une fièvre intense avait succédé à mon évanouissement. Un mal mystérieux me terrassait, ardent, implacable, et tordait mon corps frêle dans les affres de l'épouvante et de la douleur. Quand je repris toute ma connaissance, la première chose que je vis fut ma croix épinglée au rideau blanc de mon petit lit. J'eus un faible gémissement, qui décelait le retour de la vie, de l'intelligence. Ma mère à genoux pleurait, une de mes mains amaigries appuyée contre sa bouche. Mon père muet, était tout pâle et ses lèvres tremblaient. Et à côté de lui se tenait ce pauvre vieux brave homme de directeur, qui depuis la scène fameuse s'usait les yeux à pleurer. Il secouait sa vieille tête blanche et marmonnait quelque chose que je ne comprenais pas. « Ah, la bonne, la chair étreinte !»« Tiens, après 30 ans, mes yeux se mouillent encore quand j'y pense. » J'avais parlé pendant un accès de fièvre, et le brocanteur interrogé n'avait pu que confirmer le récit qui, grossi par mon imagination désordonnée, avait pris les proportions d'un effroyable cauchemar. Que te dire de plus, mon cher grand ami? Tu connais maintenant, et mon premier amour, et le petit drame qu'on appelle chez nous l'histoire de la poupée. Après tout, tu l'as peut-être trouvée stupide, cette histoire. Ah, tu penserais autrement, bah, si tu l'avais vue, ma poupée de faïence. À toi, Jean. Pour copie conforme, Gaston Charles Richard.